saluons encore une fois chaque frère, chaque sœur avec joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mara tena tunasalimia kila ndugu na kila dada mujina Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous saluons également nos frères, nos sœurs qui nous suivent à travers l'internet. Tunasalimia pia banduku na badada wale wanatufuata njia ya internet. Nous les saluons tous aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia bote mujina Bwana mwokozi Yesu Kristo. Nous nous mettons debout. Tutasimama bwima. Nous ouvrons nos Bibles dans Ephésiens chapitre 4. Nafungula ma Biblia yetu mwa Efeso sura yake ya 4. Commençons par du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alakini mwenye aina mwina mna ndio mlijifunza Kristo. Si du moins vous l'avez entendu. Kama kweli kweli mlimsikia. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Na kama kufatana na ukweli yenye kwa ndani ya Yesu. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. Nayakuva mutumupia. Kuvika. Nayakuvika mutumupia. Et à revêtir l'homme nouveau. Nayakuvika mutumupia. Créé selon Dieu. Mwenye kuumbwa kufatana na Mungu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ndani ya uwaki na ndani ya utakatifu yenye kuleta ukweli. C'est pourquoi. Chukwamana, renoncez aux mensonges. Mukatale bongo, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Na kila mmoja wenu aseme ukweli kwa jirani. Car nous sommes membres les uns les autres. Kwani tukuba memba mmoja na wengine. Colossiens chapitre 1. Wakolosai sura ya kwanza. Chapitre 3 plutôt. Wakolosai sura ya tatu. On peut même commencer par du verset 1. Tuanzie mstari ya kwanza. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, kama basi mulifufuka pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut. Tafuteni vitu vya kumbingu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Mule Kristo anekala kukume kwa Mungu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Mwambatane na vitu vya kumbingu. Non à celles qui sont sur la terre. Hapana na vitu vya padunia. Car vous êtes morts. Kwani mwesha kufa. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Na bushima bwenu bunesha ufichama na Kristo ndani ya Mungu. Quand Christ votre vie paraîtra. Wakati Kristo bushima bwenu ataonekana. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Muwe mumilienu, muwe bile biote, biko vya padunia. Faites mourir tout ce qui est du monde. La débauche. Buzinifu. L'impureté. Buchafu. Les passions. Matama. Les mauvais désirs. Mania mbaya. La cupidité. Tamaya feza. Qui est une idolâtrie. Yenye kwa kuabudu kwa sanamu. C'est à cause de ces choses. Ni kwa ajili ya hivi vitu. Que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant. Renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère. Renoncez à la méchanceté. Mukatale uovu wala a la calomnie masingisiano aux paroles équivoques ma misemo ya ila Misemo ya ovyo. Misemo ya ovyo. Qui pourrait sortir de votre bouche, de votre bouche. Ile nawezi kutoka mbinya yenu. Ne mentez pas les uns aux autres. Mushilandane pamoja kwa wengine. Vous êtes dépouillés. Kisha mwe kujivua. Du vieil homme. Na mtu wa zamani. Et de ses œuvres. Na matendo zake. Et ayant revêtu. Kisha mwe kuvala. Ayant revêtu kuvuika. Kisha mwe kuvuika. L'homme nouveau. Mutu mupia. Qui se renouvelle dans la connaissance. Mwenye kujifana upia mufamu. Selon l'image de celui qui l'a créé. Kufuatana na picha ya ula alimuumba. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unawezi kuikala. Mes frères et sœurs. Banduku na badada. L'écriture que nous venons de lire encore, elle est claire. Andiko tunatoka mkusoma iko wazi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, kama basi mulifufuka pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut. Tafuteni vitu vya kumbingu. Faites donc mourir. Pate basi kuua. Ce qui dans vos membres est terrestre. Bile mubiungo yenu biku vya padunia. La débauche, buzinifu, l'impureté, buchafu, les passions, matama, les mauvais désirs, mania mbaya. C'est ce que nous étions. Jokile tulikuwa. C'est ce que nous étions. Jokile tulikuwa. C'est là que la Bible dit. Jopale Biblia nasema. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Jo muina muna mulikuwa natembea zamani. Mais maintenant. Alakini hapa sasa. Donc il y a l'autre fois. Ani, et il y a le maintenant. Na kuku mambo ya sasa. Il y a une différence. Kuku achanisho. Et cette différence. Na hii achanisho. Doit être visible. Inapashi kuonekana. Doit être palpable. Inapashi kuoneka kupapaswa. Ce que tu étais. Kile ulikuwaka. Ce n'est pas ça que tu dois être maintenant. Aina kile unapashi kuwa hapa sasa. Dieu pour créer l'homme. Mungu pa kumuumba mutu. Il a employé de grands moyens. Aritumia manamna ya nguvu ya munene. Il a employé des grands moyens. Aritumia manamna ya nguvu. Et dans l'homme Dieu a mis toutes ses richesses. Na ndani ya mtu Mungu aliweka ma utajiri yake yote. Mais lakini pour nous racheter. Dieu a kutukomboa. Suivez bien. Mufate mzuri. Dieu pour créer l'homme. Mungu pa kumuumba mutu. Il a envoyé des grands moyens. Alitumia manamna moya mnene ya nguvu. Et dans l'homme créé, Dieu a mis toutes ses richesses. Na ndani ya mutu ule Mungu aliumba, Mungu aliweka mautajiri yake yote. Dieu maintenant pour nous racheter. Sasa Mungu pa kutukomboa. Il n'a pas utilisé l'argent. Asikutumie fedha. Dieu pour nous racheter. Mungu pa kutukomboa. Il n'a pas utilisé l'or. Asikutumie fedha. Il n'a pas utilisé le diamant. Asikutumie Dieu pour nous racheter, il s'est donné lui-même. Arijitoa yeye mwenyewe. Pour nous racheter, Dieu kutukomboa. Pour te racheter mon frère, Dieu kukukomboa ndugu yangu. Il s'est donné lui-même. Mungu arijitoa yeye mwenyewe. Pour te racheter ma sœur, Dieu kukukomboa dada yangu. Il s'est donné lui-même. Mungu arijitoa yeye mwenyewe. Est-ce que vous croyez que vous avez la valeur? Eti mnaamini kwamba Mungu na bei? Il y a de la valeur. Uko na bei. Et sa valeur c'est Dieu lui-même. Bei yako ne vendez pas votre droit d'aînesse. À cause des choses de la terre. À cause des futilités. Défendez votre droit d'aînesse. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Une âme rachetée. Vaut plus que 10 000 mondes. Une âme rachetée. Vaut plus que 10 000 mondes. Prenez le monde. Mchugue tu ma avec tout ce que le monde entier renferme. Na vyote vyenye patikana muli wewe. Mais toi tu as racheté. Wewe mwenye ukombolewa. Ton prix vaut plus que 10 000 mondes. Bei yako inashindia maulimwengu 10,000. Mes frères et sœurs. Banduku na badaza. Si vous comprendre cela. Kama tunawezi kuielewa. Nous n'aurons pas à agir avec légèreté. Hatuwezi kutenda na mizaa na michezo. Est-ce que tu as du prix? Et tu veux qu'on abeille? Est-ce que tu as de la valeur? Et tu qu'on abeille? Est-ce que tu as de la valeur? Et tu qu'on abeille? Ta valeur c'est pas l'argent. Beya quoi, ta valeur c'est Dieu lui-même. Beya koni Mungu yeye. Comme tu as de la valeur. Dis-le qu'on abeille. Dieu a accepté de se donner lui-même. Mungu alichika kujitoa. Afin qu'il puisse te récupérer. Il a pas kukomboa. Oui. Voilà. Ça c'est combien? Iningapi. 20 000. 20 000 francs. Si on avait y aille. Ça sa valeur. Avec cet argent tu. Naïfeza uta. Tu peux payer les fins, non? On a ouais zukuza mikata ina vile. Tu peux payer les transports. On a ouais zukulipa. Tu peux même payer une chemise. Dike yako ya safari ala chemise yako. N'est-ce pas ma soeur? Aina vile tatayam. Cet argent, avec cet argent. Naïfeza. Tu peux payer une robe. On a ouais zukuza na ukanzu. Maintenant. Ça, ça. J'ai fait ça. Mina fanya ivi. Hein? Mina ikunja kunja. Chemela. Mina itupa pali. Mina ikanyanga. C'est combien? Ningapi? C'est combien? Iku paka 20 000. Même si mina fanya. Attends, même si je l'ai pétiné, ça garde sa valeur. C'est combien? Iku ngapi? C'est 20 000 ça. Iku 20 000. Même si je pétine là. Ataka mina ikanyanga. C'est combien? Ikungapi? C'est toujours 20 000. Ikupaka 20 000. Si nous voulons parler de ce que toi tu es. Kama tunapenda kusema yule akile huko. Tu n'es pas 20 000 hein? Oui, il y a une 20 000. Je suis en train de parler pour faire voir ce que tu es. Nikunasema juu nikoneshe kile huko. Ce que tu es, entre les mains de Dieu, tu le restes. Kile huko, mumikono ya Mungu huko na bakia paka kile. Ce que tu es, entre les mains de Dieu, tu le restes. Kile huko, mumikono ya Mungu huko na bakia paka vile. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Sasa, nini le shetani alifanya? Le diable, lui, il t'a pris. Shetani alikuchugua. Il t'a chiffonné. Anakunyonga nyonga. Il t'a chiffonné. Anakukunja kunja. Il t'a piétiné. Anakukanyanga. Même s'il t'a piétiné. Ata kama vile alikukanyanga. Au Dieu de Dieu, tu es toujours. Son enfant. Mbele ya Mungu kupaka mtoto ya Mungu. Ce n'est pas parce que le diable t'a piétiné. Aina juu shetani alikukanyanga. Que tu as perdu ta valeur auprès de Dieu. Je n'apoteza mbele ya mbele ya Mungu. Unabakia paka bitu wa Mungu. Tu restes le racheté de l'éternel. Unabakia mwenye ukombolewa wa milele. Et ce soir, na mangaribi ya leo. Dieu t'a ramassé. Mungu alikulokota. Dieu t'a ramassé. Mungu alikulokota. Et Dieu veut maintenant te donner ta forme. Mungu anapenda kupatia umbo yako. Dieu veut te donner ta forme. Anapenda kurudishia umbo yako. Pour que maintenant, l'objectif pour lequel il t'a racheté, cet objectif soit visible. Ile kifunguzio ipate kuonekana. Angalia. Regarde. Onesha ule demo na kuchezea. Dita ce demo qui se joue de toi. Carte rouge. Montre-lui la carte. On est chez carton rouge. Montre-nous la carte rouge. Dis-je, je suis intouchable. Mie avanichese yake. Dis-lui que je suis intouchable. Mie asema avanichese yake. Je te présente carte rouge. Il a connu sa carte rouge. Dis-le yote urange kunichezea. Tout ce que tu fais. Léon Kajia Komila Ishimamisha. Aujourd'hui j'arrête ton œuvre. On a dit chezea sana. Tu t'es beaucoup joué de moi. Amen. Amen. Unanichezea sana. Tu t'es beaucoup joué de moi. Aujourd'hui, gaji yako inaishi. Ton œuvre s'arrête. Kama ulinipiga kofi moja na mimi nitakupiga mbili. Tu m'as fait taper une fois. Oh, non, je te tape une fois. Na mimi nitakupiga. Wao si je vais te taper. Kama ulinisukuma. Si tu m'as fait bousculer. Na mimi leo. Wao aujourd'hui. Oh, non, de Jésus Christ. Je vais te sukuma. Je vais aussi te bousculer. L'église, est-ce que vous êtes là? Kanisa si mnafuata. Vous avez du prix. Mukuna bei. Amen. Amina. Vous avez du prix. Mukuna bei. De la même manière. Unamuna moya moya. Le 20 000. Il 20 000. Même s'il a été foissé. Ataka mavari kunja kunja. Même s'il a été piétiné. Ataka mavari kanyanga. Comme quand je vais payer. Wakati ile nitaenda kununua. La personne ne va pas dire bon. Ule mtu asitasema hapana. On va me donner. Batanipa. On va me donner ce que j'ai demandé. Batanipa ile mitauza. Bosi. Na weye. En tant qu'enfant de Dieu. Sawa mtoto wa Mungu. Je t'ai dit. Mungu alikwambia. Demande. Uombe. Tout ce que tu auras demandé. Leo tutaomba. A mon nom. Mujina langu. Je le ferai. Mimi nitaifanya. Non seulement ça. Haina paka ile. Il a dit encore, alisema tena, je vous donne mon pouvoir. Namipatia uwezo yangu. Je vous donne mon pouvoir. Namipatia uwezo yangu. Allez, endeni. Ressusciter les morts. Mufufule bafu. Allez, endeni. Guérir les malades. Mponye bagonjwa. Allez, endeni. Imponze les morts malades. Weke bagonjwa mikono. Les malades seront guéris. Na bagonjwa batatunzwa. Allez, endeni. Chassez les démons. Mufukuze mademona. Au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Nous chassons les démons. Tukunafukuza mademona. Tukuna Mungu wa nguvu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu très puissant. Il n'utilise pas les fouets. Pour fouetter les démons. Dieu pique ma démona. Il utilise la parole. Et natumia neno. Il te dit. Anakuambia. Dis à ces démons. Umwambie ole démona ule. Mujina Yesu Kristo. Dis à ces démons là. Kama unamwambia ole démona mujina Yesu Kristo. Toka. Il va sortir. Naye atatoka. Est-ce que vous le croyez? Je suis munamini vile. Vous êtes les rachetés de l'Éternel. Mukubenyo kombolewa bawa milele. Dada bachibuchenzeye. Qu'on se joue pas de toi. Tu as de la valeur. Apana kujisha droit de nesiako. Kwa pandre rusa uzaliwa kwa kwanza. Malgré la souffrance. Chunga hali yako ya mtoto yako. Garde ton état de fils de Dieu. Hata kama njala inaingia. Malgré la famine. Chunga hali yako ya mtoto yako. Garde ton état de fils de Dieu. Tu as de la valeur. Unapita vyakula. Tu dépasses la nourriture. Tu as de la valeur. Unapita makazi yote wa Chinwa wamekufanya. Tu sais que les Chinois font. Tu as de la valeur. Unapita cuivre yote ive kunexploiter. Tu dépasses tous les cuivres qu'on exploite, il y a de la valeur. Yako, ta valeur, c'est lui-même. Ni Mungu ye mwenyewe. Oui, mes frères. Dio, bandugu yangu. Oh, même le veste que je porte ici. Ata inye koti inye minafala. Je ne sais pas si c'est mad, mad nini. Monsieur Gavana, jika sima vari fanya wapi. Hein? C'est ça non? Joe Villain. Mad kama ni madi ya Italia. Kama wari fanya ku Italia. Kama ni madi kani. Kama wari fanya fasi kani. Toi. Weye. Toi là. Weye ule. Tu es mad quoi? Weye wari kufanya wapi? tu es mad quoi? Weye wari kufanya wapi? Tu es mad quoi? Weye wari kufanya wapi? Écoutez. Musiki. Quand tu marches sur la terre. Wakati unatembea pa dunia. Tu n'es pas de la terre. Hauna wa pa dunia. Tu es céleste. Weye kwa kumbingu. Nous sommes au-dessus de toutes choses. Mungu kunapenda. Je veux. Même si on dort à travers. Défendre les positions. On défend notre Kama position. Défendre. Lorsque nous les défendons. Mungu confirmer. Je vais les confirmer. Mungu confirmer. Je les confirme. Il dit ce que tu dis là, c'est ça. Il va les manifester. Ne te décourage pas. Ushilekeye. Ne te décourage pas. Allons de l'avant. Mon frère, ma soeur. Toi tu as cru. Toi tu crois. En Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Tu as une autre identité. Tu es une nouvelle création. Pas une nouvelle créature. Aina ki umbile kipya pana. Création, Mousseli ou Tasmanini. Maumbile. Créature, Mousseli ou Tasmanini. Kiumbe. Binachana. C'est différent. Création, Mousseli ou Tasmanini. Maumbile. Hein? Maumbile. Créature, Tasma. Kiumbe. Bon, entre les deux. Pabile Biwiri. Maumbile na Kiumbe. La création et la créature. Oui. Toi. Oui. Toi là. Toi qui es racheté. Tu n'es pas une créature. Tu es la création. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ça vous dépasse un peu là. Il a mis Shindia. Nouvelle Maumbile Mupia. Nouvelle création na créature. Na maumbile mupya na kiumbe. Kilili chikuyulu. Qu'est-ce qui est au-dessus? Kilili chikuyulu. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Je suis toute une création. Mie niku maumbile Je suis toute une création. Demain, toi aussi, tu vas créer. Le lendemain, nous aussi, nous allons créer. Dans le troisième pour. Mukifande yatatu. C'est ce que je veux dire. Qu'il est min, Dieu qu'il est se faire. Qu'il est un tassé, ma toi si qui s'appelle la montagne. Nikisema na mulima. Pas au nom de Jésus. A pas na mouchina Jésus Christ. Si je viens à la montagne. Nikisema tu na mulima. Pas montagne. Ouais, mulima. Déplace-toi d'abord. Toka pale. Quitte là-bas. Wende. Allez ici. La montagne va nous obéir. Mulima ita touti. Si tu dis au cours d'eau. Ukisema na maji. Coupe-toi par deux là. Ouais, moutoni, katika mbipande mili. Moi je vais passer. Mina penda ni pite. Ça va se couper. Ita katika. Et tu vas passer. Na wota tambuka. Ça va arriver avant qu'on aille au ciel. Ita fika mbele ya tuende kumbingu. C'est pourquoi aujourd'hui, je verrai d'abord se placer dans ta position en tant que fils et fille de Dieu. Mungu anapenda kwanza kuweke mwali yako ya mtoto wa Mungu. Acceptez cela de tout votre cœur. Quand Dieu te regarde, bien sûr tu es un humain, mais Dieu ne voit pas seulement l'humain. Dieu voit aussi les divins en toi. C'est pourquoi, pour bien comprendre, afin que nous puissions bien travailler pour notre nouvelle identité. Amen. Nous sommes une nouvelle création. Pas une nouvelle créature. Apana ki umbile kipi apana. Nouvelle création. Ma umbile mupia. Nous avons une nouvelle identité. Tukuna kitambulisho mupia. Amen. Amina. Nous ne sommes pas les fils des eaux. Atuna batoto ya batu. Nous sommes les fils de Dieu. Tuku batoto ya Mungu. Nous ne sommes pas les fils des eaux. Atuna babinti ya mumbatu. Nous sommes les fils de Dieu. Tuku babinti ya Mungu. Et nous devons travailler pour notre nouvelle identité. Rapashi kutumika jo kitambulisho tu mupia. Que nouvelle identité puisse se manifester. Celle qu'on avait connue en tant que l'enfant de Mbuyu, on doit aussi me connaître en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amina. On doit aussi me connaître. On doit aussi m'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Comme enfant de Mbuyu. Eh, nilikuwa aliangu ya kuishi. J'avais ma nature, ma façon de vivre. Ma mère pouvait peut-être dire. Ma bangu sa singina wesi kusema. Job la negalaka. C'est comme ça qu'il a toujours été. Job la negalaka. C'est comme ça qu'il a toujours été. Et puis comme anangarisha mzuri atasema. Lorsqu'il le regarde bien, il dira. Anafanana na nkambo yake fulani. Il se ressemble à son grand-père tel. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, comme on n'angaria, lorsqu'il me regarde, on a pas à quoi na vitu vya kuachana. Il faudrait que le découvre. Il est quand même yeye alinijuaka. C'est qu'il connaissait de moi. Amen. Amen. La Bible dit. Biblia nasema. Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza. Verset 40. Musari ya makumi ine. C'était environ la 10e heure. Il quoi qu'a dit ça, Yakumi. André, frère de Simon, Pierre. Andrea Ndukuyake, Simon Petro. Était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. C'est celui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, na akamwambia, nous avons trouvé le Messie. Tunakutana na Masia. Ce qui signifie Christ. Manake Christo. Il est conduisit vers Jésus. Akampeleka kwa Yesu. Jésus l'ayant regardé, il dit. Yesu kisha kumwangalia akasema. Il lui dit, akamwambia, tu es Simon. Wewe ni Simona. fils de Jonas. Mwana wa Yona. Tu es Simon. Uku Simona. Étymologiquement parlant, Simon, c'est-à-dire fragile. Manake, mana ya Simone ni wateketeke. Tu es Simon. Uku Simona. Fils de Jonas. Mwana wa Yona. Tu seras appelé Batakuita Cephas. Kefa. Tu seras appelé Batakuita Sasa Cephas. Kefa. Donc Dieu voyait en Simon une autre identité. Mungu alionaka ndani ya Simona kitambulisho ingine. Tu es Abraham. Uku Abraham. Tu es Abraham. Uku Abraham. Désormais, on ne va plus t'appeler Abraham. Tangia leo watakuita tena Abraham. On va t'appeler Abraham. Batakuita Abraham. Tu es Sarai. Uku Sarai. On ne va plus encore t'appeler Sarai. Batakuita tena Sarai. On va t'appeler Sarah. Batanza kuita Sarah. Est-ce que vous comprenez un peu? Eti munaelewa? Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Donc nous avons une nouvelle identité. Manake tuku na kitambulisho mupya. C'est pourquoi ce soir. Njo kwa maana mangaribi ya leo. Ta nouvelle identité en Christ. Utangaze kitambulisho yako mupya ndani ya Kristo. Dis-toi que useme ya kwamba je suis une nouvelle création en Dieu. Mie niko na maumbile mupya ndani ya Mungu. Je suis le temple de Dieu. Mimi niko hekalu ya Mungu. Je suis l'habitation du Dieu. Niko makao ya Mungu. Je suis de la famille de Dieu. Niko wa mujamaa ya Mungu. Je suis héritier de Dieu. Niko murithi wa Mungu. Je suis fils et fille de Dieu. Niko mtoto mwanaume na mwanamke wa Mungu. C'est une nouvelle identité. Ile ndio kitambulisho cha Mungu. Je suis le temple de Dieu. Mimi ni hekalu ya Mungu. Angalia dada. Regarde ma sœur. Mushipeleke hii masauti ikoe masauti ya mashiku ya kumbele. Il faut pas ramener ces paroles que ça soit pour le lendemain. Qui croit qu'il est l'habitation du Dieu vivant? Nani anamini asema yeye ni makao ya Mungu aliye hai. Mungu mzima, ule Mungu anaumba mbingu na dunia. Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre. Anekala ndani yako. Il habite en toi. Wewe unakuya makao ya Mungu ule aliumba mbingu na dunia. Toi tu deviens la demeure de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Choko mana Biblia inasema. C'est qui est en nous? Ule kondani yetu. C'est qui est en nous? Ni nani ule kondani yetu? C'est qui est en nous? Ni nani kondani yetu? C'est lui qui est en nous. Ule kondani yetu. C'est lui qui est à nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ule tu n'es pas moindre. Attends, on a tembé dans ma papa. Même lorsque tu marches en babouche. Tu n'es pas moindre. Auna wa boule boule. Attends, on a là la pansaka. Même si tu passes tu sur les sacs. Auna wa chini. Attends, on a la nyumba mzuri. Même si tu n'as pas une belle maison. Tu n'es pas moindre. Auna wa chini apana. Si vous voulez quoi le pays, prenez cette valeur. Amen. Amina. Est-ce que vous acceptez la nouvelle identité? Eti munakubali kitambulisho mupya? Est-ce que vous acceptez la nouvelle identité? Munakubali kitambulisho mupya? Et nous devons travailler. Tunapashi kutumika pour que notre nouvelle identité se manifeste. Jua kitambulisho yetu mupya ipate kuonekana. C'est ainsi que, comme on l'a vu, jo kwa maana paka vile tulisoma. Ce qui est né de la chair. Kenya vous allez au mwili. Et chair. Ni mwili. Ça c'est l'ancienne identité. Il est ni kitambulisho ya zamani. Ce qui est né de l'esprit. Ja vous allez au roho. Et esprit. Na yo ni roho. Entre ce qui est né de la chair. Katikati ya Kenya vous allez au mwili. Et ce qui est né de l'esprit. Na Kenya vous allez au roho. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Ni kia wapi kuku yulu ya kingine. Hein? Hein? Ce qui est né de l'esprit, Kenya kuzaliwa kuro, est au-dessus. Kiko yulu. C'est pourquoi aujourd'hui, je commande à Léo, comme nous sommes nés de l'esprit, Kavile tunesha wazaliwa kuro, on n'a pas jamais besoin de kuonesha. Nous devons maintenant manifester. Konekanisha. Nous devons manifester. Kya kiro vyende obile virituzala. Ce qui est spirituel qui nous a engendré. Ce qui est né de la chair. Kenya kuzalika kumwili. Et chair. Ni mwili. Et ce qui est né de l'esprit. Na kenya kuzaliwa kuro. Et esprit. Nakyo ni roho. C'est la naissance. Ni kuzalika. Kama mtoto anazalika. Ni enfant né. Ananyonyaka. Il tête. Anariaka. Il pleure. Anafanyaga makelele. Il fait des bruits. Ni vya kweli. C'est la vérité. Ule na ye anazalika na anazalika kwa roho. C'est lui qui est né de l'esprit. Mungu na ye eko na tenda. Lui aussi agit. Eko na fanya. Il fait. Ni vya kweli. C'est la vérité. Aina théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Aina mawazo. Ce n'est pas une pièce palpable. Ni vya kupapasa. Je vous le déclare ce soir. Na mitangazia magari ya leo. C'est palpable. capable. Vous allez au marapili, quoi que la nouvelle naissance est touchable. Vous allez au marapili, on a ouvert on peut voir la nouvelle naissance. On a ouvert quand vous allez au marapili. Si nous te regardons, certainement tu es né de nouveau. Nous ne sommes pas des catholiques. Qui disent il faut d'abord suivre le catéchisme. Non, chien comme mon ami. Nous, lorsque tu crois, pas les mon ami. Lorsque tu crois, à l'instant même, et l'acte de Dieu te suit sur place. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit. Na kenyo zali wakuro. Et esprit. Na kioniro. Amen. Amina. C'est qui est né de la chair. Yenyo zali wakumwili. Sa promesse c'est quoi? Malako yabo ni nini? C'est la mort. Ni lufu. Mais ce qui est né de l'esprit. Alakim kek zali wakuro. Sa promesse c'est quoi? Malako yabo ni nini? C'est la vie éternelle. Ni bujima ya milele. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Mais aujourd'hui, Léoï, nous devons manifester ce qui est né de l'esprit. C'est ainsi que la Bible dit. Ayant de telles promesses, purifions-nous fait. Quelles sont les promesses que nous avons? Imaginez-vous une femme prostituée. Une femme adultère qui n'a pas l'espoir qu'un jour elle pourra être mariée. Mais un jour, un homme vient de l'Amérique. Peut-être de la famille présidentielle. Et il tombe sur cette femme qui était prostituée. Et il dit à cette femme, je vais te prendre à mariage. Et il donne même les gages pour confirmer que je vais te prendre en mariage. Après avoir donné les gages, il dit, je vais maintenant préparer la maison où on va habiter avec toi en Amérique. Est-ce que cette femme-là, elle va toujours continuer à vivre maintenant dans la vie d'adultère? Comme elle a reçu la promesse, Mundumba vous a fait nini? La prostitution va s'arrêter. Pourquoi? Parce que la promesse de une promesse de haut niveau. Il ne pouvait même pas penser à ça. Moi, bananyowa, on m'a épousé. Par un mari qui vient de l'Amérique. Il est même de la famille présidentielle. Même si son mari est en Amérique, elle est Kambo. Lorsque elle entre dans des petits hôtels, ses pieds ne piétineront plus dans les hôtels. Sa vie va commencer à changer. À cause de la promesse qu'elle a. Mais toi et moi, nous n'avons pas reçu la promesse d'aller en Amérique. Toi et moi, nous avons reçu la promesse d'aller au ciel. Comment sera notre vie aujourd'hui? Le fait qu'on a reçu les promesses, l'enfantillage va s'arrêter. Tout état du péché va s'arrêter. Toutes les plaisanteries s'arrêteront. Ça vient en désordre, ça va s'arrêter. J'avais commencé à faire des choses pour plaire à celui qui m'a tendu la main. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est ça l'église de Jésus-Christ. C'est ça l'épouse. Je vivi à Russie, tu as reçu la promesse. Uripoke ya malako. Au ciel. Ya kwenda kumbing. Pour que tu règnes avec Jésus. Pate kutawala pamoja na Yesu. Leo tutatamania les dames. Aujourd'hui, est-ce que nous allons encore envier? Non, leo tutatamania. Aujourd'hui, on peut encore envier. Babi va pas président. Les femmes des présidents. Hein? N'est-ce pas? Aina vile? Mais toi là. Oui, dad. Toi, ma soeur. Paka wey. Seulement toi là. Aina mwingine. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Paka wey. Toi là. Sema nguruwa kwa sini paka mimi. Dites dans ton cœur, c'est moi. Ata una mapapa. Même si tu es bien en paka wey. C'est seulement toi. Ata una lalanga pa mayani, ni paka wey. Même si tu passes nuit sur le... Ata una akiri kwa masomo, ni paka wey. Même si tu n'es pas intelligent à l'école, c'est et toi. Et tu vois que... Et tu n'as mini à quoi pas. Tu vas régner avec Jésus. Ou tatawala pamoja na Yesu. Sur son trône. Bakiti yake ya enzi. Est-ce que tu vois cela? Et tu n'as mini. Et nous serons au-dessus de Jérusalem terrestre. Na tuta kwa yulu ya Yerusalemu pa dunia nduku. Dada. Ça sera terrible. Si tu tuta kwa yulu. Nous on sera au-dessus. Ba tuta kuangalia. Les gens vont commencer à regarder. Ndiapo. Et où le palais? Le voilà. Le fils de David. Mwana wa Daudi. Il est sur le trône de David. Avec son épouse. Na mke wake. Qui vient de toutes les nations. Wa kutokea kwa mataifa yote. Amupende ile. Vous ne voulez pas de ça? Amupende ile. Vous ne voulez pas de cela? Chinyonye mwito ile Mungu alituitia. C'est ça même l'appel pour lequel Dieu nous a appelé. Kama tunabeba ile mwito na bujito. Si nous prenons cet appel avec les frères et sœurs, beaucoup de points, nous nada, les blagues vont s'arrêter. On ne va plus me bousculer. C'est vraiment les doigts de la promesse qui est à moi qui me pousse. Je buvais de l'alcool. Les doigts de la promesse à moi. Je vais cesser de boire l'alcool. Les doigts de la promesse à moi. Ça va monter cet état d'être insoumis. Amen. Amen. Et celui qui est né de l'esprit, na kenye kuzaliwa kwa roho, il a pratiquement eko tu kabisa kabisa deux natures en lui. Na ma asili mbili ndani yake. Écoutez d'abord ce que l'homme de Dieu dit. Musikie kwanza kile mtumishi wa Mungu anasema. Lettre circulaire, barua ya kuzunguka 33. Namba 33. Page 32. Kartasi ya makumi tatu na mbili. Frère Branham disait à ce sujet que Dugu Branham alikuwa anasema hapa ishina ya kwamba l'achèvement kumalizika aura lieu kutafanika conformément à la parole de Dieu dans l'amour divin. Kufuatana na neno la Mungu ndani ya mapendo ya Mungu. Ceux qui veulent y participer. Bale bana penda bashiriki kuile. Qui veut participer à l'achèvement de l'œuvre de rédemption? Ni nani unapenda kushiriki kumalizika kwa kazi ya ukombozi? Ceux qui veulent y participer. Bale bana penda bashiriki kuile kazi. Doivent avoir deux choses à cœur. Bana pashkwa na bitu mbili ndani ya moyo. Et l'éprouver par leurs actions. Na kuyakikisha kupitia matendo yabo. Atuna mu religion branamisme. Atuna mukidini ya kibranama hapana. Ceux qui veulent y participer. Bale wanapenda kushiriki kuile. Participer à l'achèvement. Kushiriki kumwisho. Doivent avoir deux choses à cœur. Banapasha kuwa na vitu mbili moyo yabo. Et le prouver par leurs actions. Na kuyakikisha kupitia matendo zao. Premièrement. Kwanza. Ils doivent. Banapasha. Sortir. Kutoka. De tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu originelle. Kutoka mubiote biashipo kuambatana na neno ya Mungu ya kumwanjo ya kweli. Pour devenir eux-mêmes une partie de la parole. Duwa pate kuwa bobe nyewe semu ya neno. Nani anashikia hii? Qui a compris ceci? Kya kwanja. Premièrement. Yoyote anapenda. Tout celui qui veut. Ku participer, kushiriki à l'achèvement, kukumalizika. Yoyote anapenda, tout celui qui veut, kufika ku ukamilifu, arriver à la perfection. Anapashwa na vitu hivi viwili. Il doit nécessairement avoir des choses. Na vitu hivi viwili. C'est des choses. Anapasha kuvionesha mu vitendo vyake. Il doit les manifester dans ses actions. Anapasha kuvionesha mu maisha yake. Il doit les manifester dans sa vie. Église, est-ce que vous comprenez? Kanisa, munasikia, munaelewa. Kya kwanja. Premier. Ce que tu dois manifester premièrement dans ta vie, tu dois sortir de toutes choses qui n'est pas en accord avec la parole originelle que tu as prononcée. Et ensuite toi-même, que tu sois une partie de cette parole. Première action. Tendo ya kwanza. Deuxième action. Tendo ya pili. Deuxièmement, Yapili, ils doivent expérimenter banapashi kuonja une purification utakaso et une sanctification utakaso na kuoshwa purification na sanctification utakaso na kuoshwa. La purification, on se purifie banaditakasa de tout souillure na buchafu yote. Ils doivent expérimenter une purification et une sanctification intérieure complète et être véritablement scellé du Saint-Esprit. Lettre circulaire de janvier 1987. Barua kuzunguka janvier 1987. Son langage n'a jamais changé. Musemeo yake hayabadilikaka kamwe. Et c'est ce que nous croyons. Eti ndio vile tunaamini. Ceux qui veulent expérimenter la perfection bale banapenda kuonja ukamilifu doivent avoir deux choses à cœur. Banapashikwa na bitu mbili mumoyo yabo. Et les deux choses, ils doivent pratiquement mabile bitu bibili banapashi kweli kweli. Ils doivent les prouver dans leurs actions. Banapashi kuhakikisha matendo zao. La première chose, kitu ya kwanza, sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Kutoka mukitu kyote kisipo kuambatana na neno la Mungu. Pour devenir eux-mêmes kuwa bobenyewe, une partie de la parole. Sehemu ya neno la Mungu. Sortir du monde kutoka mudunia, ne suffit pas. Ayeneye. Sortir des dénominations kutoka mazebu, ne suffit pas. Ayeneye. Et il ne faut même pas se déplacer des églises. Aipasha hata kutoka makanisa kwenda kuingia mungu. Se déplacer. Il y a des gens qui peuvent se déplacer. Kubantu wale wanaweza kutoka. Je me déplace seulement. Mina toka tu. J'étais dans l'église catholique. Narko mukanisa catholique. Mais je me déplace de l'église catholique vers le tabernacle. Mina toka mukanisa catholique. Mina ingia sasa mutabernacle. Mais je ne sors pas. Alakini mishi atoka. Je me déplace du monde. Mina tembea tu toka dunia. Mina toka. Na toka. Je me déplace du monde pour entrer au tabernacle. Na toka mudunia na kuingia mutabernacle. Celui qui sort. Ule kona toka. Il doit prouver anapashi kuhakikisha par ses actions kupitia matendo zake. Amen. Amen. Il doit prouver par ses actions anapashi kuhakikisha kupitia matendo yake de là ya kwamba shina tena uamune utakuwa utambatana na sauti ya Mungu tutatashira la parole de Dieu. Maisha yako itanja kuonesha sauti ya Mungu et ta parole va manifester la parole de Dieu. Ta vie va manifester la deuxième chose, kitu ya pili, je dois me purifier. Nina pashi ujitakasa. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ushiguse kwa kenye kwa kichafu. Mimiye aina Mungu. C'est moi, ce n'est pas Dieu. Mimiye. C'est moi. Iki ni cha buchafu. Ceci est souillé. Nitajigusa. Je ne peux pas le toucher. Paka vile kama wanaweka chupa ya pombe. De la même manière, lorsqu'on met la bouteille de l'alcool. Unakatalaga parfois kuigusa. Tu refuses des fois même de le toucher. Na vitu vyote vibaya vya mkinywa. Toutes les mauvaises pensées, il faut aussi les rejeter. Les mauvais désirs, il faut les refuser. Est-ce que vous êtes là? Et tu m'en as fait? C'est impossible. Minawezekana. Pourquoi? Dieu a nini. Parce que tout homme qui est né de nouveau. Kwani mutu wote mwenye uzaliwa mara ya pili. Son vieil homme. Mutu wake wa zamani. D'est affaibli. Est affaibli. Analekeshwa. Ashina tena na nguvu. Tout homme qui est né de nouveau. Mutu wote mwenye uzaliwa mara ya pili. Toute sœur qui est née de nouveau. Dada wote mwenye uzaliwa mara ya pili. Son vieil homme. Ule mutu wake wa zamani. Nikusema kile ulikuyaka. C'est-à-dire ce que tu étais. Kile unekalaka. Ce que tu as toujours été. Kile unaamini kaja msalaba. Comme tu viens de kuwa. Kile unekalaka kila potesha nguvu yayo. Ce que tu as toujours été. Persa force. Je ne sais pas si l'église comprend. Monsieur kama kanisa inaelewa. C'est ça la mathématique de Dieu. Ndio hesabu ya Mungu. Yoyote ule. Tout celui-là. anaamini kanja msalaba. Jikroa lèvre de la croix. Yoyote ule mangaribia leo. Tout celui ce soir. Eko nasema niko mwenye kuzalika mara ya pili. Gidi kile ne de. Niko sawa kile unekalaka. C'est à dire ce que tu as tu dis. Kile ulikuyaka. Ce que tu étais. Kina bodesha nguvu yako. Sa peur, sa force. Sasa. Maintenant. Celui qui croit et qui a reçu la parole des promesses, c'est là qu'il y a beaucoup d'appelés. Je parle pas comme Benyé, continue à battre où le veut qui donc. Les appelés s'arrêtent à la croix. Benyé, quitte au vanachimamien par Moussalaba. Les zélus. Alors qui ne battent où les? S'arrêtent pas à la croix. Avachimamien par Moussalaba. Les zélus reçoivent maintenant les promesses. Battre où les? Bana poké à sa malako. Comme nous avions reçu maintenant les promesses. Ça vient tout du poké à malako. Entre autres. Entre autres. Manake ni. Je vous accueillerai. Dami pokeya. Vous serez pour moi mutakwa kwangu, des fils et des filles. Batoto banamuke na banaume ba Mungu. Aina vile, repentez-vous. Tubuni. Que chacun de vous soit baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Kila mmoja wenu abatizwe maji mujina Yesu Kristo. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Aina vile, nous aussi. Na sisi pia. Après avoir entendu la parole de la vérité. Kisha kusikia neno la ukweli. Et ayant cru. Na kisha kuiamini. Nous sommes scellés. Tunatiwa muhuri. Du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu. Il y a beaucoup de promesses. Ukumalako mingi. Aina vile, il y a beaucoup de promesses. Ukumalako mingi. Et nous devons être participants. Tunapashwa bakushiriki. Promesse là, manako, nous devenons participants à la nature divine. Participants. Bashiriki. Tout celui qui est né de nouveau. Où les salut au pili. Son vieil homme. Mutuake wa zamani. N'a plus de force. Anatena na nguvu. Maintenant, toi qui as reçu la parole des promesses. Wewe mwenye kupata la parole de la vérité. Toi qui as reçu neno la ukweli. Unakuya na nguvu. Tu as mena de la force. Unakuya na nguvu. Tu as mena la force. Ya kukombanisha ule mtu wa zamani. De combattre ce vieil homme. Donc kama na pena ashira na mbele ashira tena na uwezo ya kukutawala. Premièrement, il n'a plus la force de te dominer. Ashina na uwezo ya kukutawala. Il n'a plus la force de te dominer. Mais wewe unakuwa na uwezo ya kumpika. Maintenant toi tu as la force de le frapper. Wewe unakuwa na uwezo ya kumponda ponda. La force de le piétiner, de l'écraser. L'église c'est ça. Kanisa njofile. Reverend c'est ça non? Mheshimiwa, aina vile. C'est quoi Jésus va tirer pas qu'avec les mecs. Attends, il va tirer les mecs. Apana. C'est pourquoi je ne peux pas rester celle que j'ai toujours été. Non. Apana. Non. Ni qu'on a ouéso. J'ai la force, j'ai la puissance. Quand les marins là, ni qu'on a bongo. Lorsque j'étais né, j'étais menteur. Mais ça, il vit mina mina quand j'ai musalaba. Maintenant que je crois à l'œuvre de la croix, je crois à la parole bongo des promesses. Tous les mensonges vont s'arrêter. Bongo utavakia. Les mensonges vont s'arrêter. Va s'arrêter. L'état dans lequel j'étais né, il va mourir. C'est moi qui vais les tuer. C'est pas Dieu qui fait ça. Aena Mungu anafanya vile. C'est moi qui fais ça. Ni mimi ndio nafanya vile. Na ile manguvu ndio kunafanya. Avec cette effort que je fais, eko ni nisaidia. Yo si ni vya neta. Unanipatia nguvu. Nimedona force. Kangamana. Persevere. Kangamana. Persevere. Kama mimi nafanya mimi nakwala. Anasema lamuka. Je tempe te fai. Ndio ana safari. Leve tu a persevere. Je tu ndio ndio tuteni. Yesu ananisaidia. Amen. Amina. C'est lui-même qui a dit. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Muswahili tunasema. Muswahili on dit. Atatutumia msaidizi. Il nous enverra un autre consolateur. Qui va nous aider. Écoutez. Musikilize. Kama maisha utakaso, sabe lenjo maisha yangu. Comme la vie de Saint-Étienne, ma vie. C'est ce que j'aime. Mais dans ce corps, je m'achoppe. C'est-à-dire les choses de Dieu. Voilà les choses de Dieu que j'aime. J'aime que cela soit manifeste. Amen. Amen. Mais je suis en voyage. Lorsque je marche, moi je veux bien que ça soit manifeste. Des fois la force s'arrête. Je tombe un peu. Je me donnerai la force. Je vais soulever. Aujourd'hui, j'amènerai à ce niveau. Le lendemain, je vais progresser. Prochainement, je vais les manifester. Ça sera manifeste. Je sais que Dieu te voit dans ta vie. L'église, est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a peine d'avoir fait quelque chose? Veux-tu rester ce que tu as toujours été? Nous ne travaillons pas avec la force de quelqu'un. Nous travaillons avec la force de Dieu. Amen. Amina. Et c'est ça. Jovile. C'est pourquoi. Jokwamana. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Musikie kile mtumishi wa Mungu anasema. Dans sa prédication, mumahubiri yake, les images de Christ. Ma picha ya Kristo. Page 7. Kartasi ya 7. Paragraphe 32. Nukta makumi tatu na mbili. Ce n'est pas ce que nous montrons de l'extérieur. Aina kile tu kunaonekanisha nje. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Alakini ni qui fait. Attends. Ce n'est pas ce que nous montrons de l'extérieur. Aina kile tu kunaonesha nje. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait de nous ce que nous sommes. Ni kile kikunafanyika ndani yetu ndio kile kinafanya kile tuko. Donc comme on est ici, dit qu'on est. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, amen. Amen. Mais tu en es chaud, y a-t-il des chicots? C'est la manifestation de ce qui se trouve à l'intérieur. Amen. Amina. Après, on a foutu à gauche, à droite. Faut pas chercher de gauche, à droite. Qui est Nicolas? C'est que je suis aujourd'hui. Qui est Nicolas? C'est que tu es aujourd'hui. Tu en es chaud, qui est condamné? C'est la manifestation de ce qui est à l'intérieur. Par conséquent, Dieu a il est si. Kama Jésus est notre image. Kama Yesu ni picha yetu. Et que nous sommes à sa ressemblance. Na tuko kwa mufano yake. Nous sommes membres de son corps. Tuko ba memba ba mwili yake. Nous devions lui ressembler. Tunapashi kufuanana naye. Nous devions lui ressembler plutôt. Tunapashi kufuanana naye. Ensuite, na kisha nos vies. Maisha yetu. Nos vies. Maisha yetu. Devraient refléter l'image de Christ. Parce qu'on est kanisha picha ya Kristo. Est-ce que vous êtes là? Et tu m'enfanta? Nos vies. Maisha yetu. Devraient refléter l'image de Christ. Parce qu'on est kanisha maisha picha ya Kristo. Pas en nous joignant à l'église. Apana tu mukujunga kanisa. Pas en portant des crucifix. Apana mukubeba mtumamisalama. Mais cela devrait être. Alakini ni pashikuwa dans la présence vivante du Dieu vivant, mwepo wa Mungu aliye hai, se reflétant à travers nos vies, mwenye kujionekanisha kupitia maisha yetu. Amen. Amen. Est-ce que ce soir vous acceptez que vos vies doivent, ce sont nos vies qui sont pratiquement l'image de Christ? Et tu m'as expliqué mangaribi ya leo kwamba maisha yetu ndio picha ya Kristo. Il dit encore. Anasema tena. Dans la prédication, Mumaubiri, l'identification. Uditambulisha. Page 20, paragraphe 111. Kartasi makumi mbili nukta mia moja kumi na moja. Maintenant, sasa, souvenez-vous, kumbukeni, après que Jésus ait fait ceci, kisha Yesu kufanya hivi, alors que personne d'autre ne pouvait le faire, japo akukwe mtu mwingine wa kufanya vile, il est le seul qui a payé le prix. Eko peke yake ndio alilipa bei. Après qu'il ait payé le prix, kisha kulipa bei, alors que personne d'autre ne pouvait le faire, japo akukwe mtu mwingine wa kuifanya. Nous sommes invités. Tunaalikwa. Nous sommes invités. Tunaalikwa. Pensez-y une minute. Mufikili kwanza hii dakika moja. Nous sommes invités. Tunaalikwa. A modeler. Tupate kutengeneza. Notre propre caractère. Tabia yetu. Sur le caractère de Jésus. Yulu ya tabia ya Yesu. Kanisa mushikie. L'église, vous n'avez pas compris. Après que Jésus ait payé le prix. Kisha Yesu kulipa bei. Nous sommes invités. Na sisi tunaalikwa. Pensez-y une minute. Muifikiri kwanza dakika moja. Nous sommes invités. Bana tualika. A modeler. Ili tupate kutengeneza. Notre propre caractère. Tabia yetu. Sur le caractère de Jésus. Yulu ya tabia ya Yesu. Nous sommes invités. Tunaalikwa. Pensez-y. Mufikiri kwanza. Avoir des caractères comme le caractère de Jésus. Tukue na tabia sawa ile ya Yesu. Nous sommes invités. Bana tu kutuita a abandonner notre caractère, tuache tabia yetu, a modeler le seul caractère que nous avions, tutengeneze tabia ile tulikuwa nayo. Oui, ndio emporté en fait d'orgueil. Aimable le kiburi, bakupenda nasa kuliko Mungu. Calomniateur, bakusingizia. Intempérant, basipokutiza. Ennemi des gens, baadui ya bantu. Qui essaie de faire ce qui est juste, bakupima kufanya haki. Et l'apparence de la piété, venye na kuonekana kwa utawa. Mais la puissance de la parole, lakini wao katala uwezo wa neno. Comment Dieu peut-il entrer dans un endroit comme celui-là? Namna kani Mungu anaweza kuingia mfazi ya namna ile? Nous devons accepter l'évangile. Tunapaswa kukubali injili. Dans son entièreté. Katika utele yayo. Dans sa plénitude. Katika utele yayo. C'est ce que nous devons faire. Jo kile tunapaswa kufanya. Et maintenant. Sasa. Étant donné que. Sawa vile. Nous sommes identifiés. Tunatambulishwa. Comme étant les gens du plein évangile. Sawa bantu ba injili ya utele. C'est nous qui avons le plein évangile. Sisi ndio wenye kwa na injili ya utele. Les dénominationnels n'ont pas le plein évangile. Amaze wa bana na injili ya utele. C'est nous qui avons le plein l'évangile. Ici, nous avons la parole évangélique. Nous avons la parole doctrinale. Nous avons la parole prophétique. Nous sommes identifiés comme étant les gens du plein évangile. Modélons. Tutengeneze basi. Modelons notre caractère. Tutengeneze tabia yetu. Nous sommes invités. Banatuita. À être modelés à son image. Ili tutengeneze kufatana na picha yake. Afin que nous puissions refléter sa présence. Ili tupate kuonekanisha uwepo wake. Mnashikia? Avez-vous compris? Modeler. Tutengeneze notre caractère. Tabia yetu. Je vois. Naona. Ce qui fait la publication des hommes d'affaires. Yenye kufanya matangazo ya bafanya biashara. Oui. Ndio. Peut-être aussi grande que celle de la Robert. Sa zingine ya munene sa ile ya Robert. Et je découvre que lorsque nous commençons à devenir grands. Mina fumbula ya kwamba wakati ile tunakuwa wa mingi. Nous commençons alors à agir avec fanfaronnade. Tunaanza kutenda na majivuno. Vous voyez juste comme l'Israël l'avait fait. Nous commençons à agir simplement à nous comparer aux autres. Rappelez-vous, vous êtes un peuple différent. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple particulier. Amen. Amen. Eh bien, nous en sommes arrivés au point où nous n'avons plus rien de particulier par rapport au reste du monde. Nous agissons, nous parlons, nous faisons les choses comme les autres. Nous nous empressons d'aller à la maison pour regarder la télévision. Au lieu de rester pour le culte. Nous nous adonnons exactement aux choses qu'ils font. Tunaanza kujitoa sana kubintu vile vako nafanya. Nous cherchons à faire de la compétition. Tunaanza kutafuta kulibecha. Vous voyez. Munaona. Nous ne devons pas faire cela. Hatupashi kufanya vile. Nous ne devons pas faire cela. Sisi hatupashi kufanya vile. Nous voulons. Tunapenda faire de cette Bible kufanya hii Biblia notre miroir ikuwe kio yetu. Nous voulons tunapenda faire de cette Bible kufanya hii Biblia notre miroir ipate kuwa kio yetu. Et nous laisser modeler par son caractère, tuache tuchongwe na tabia yayo, ayant le caractère de Jésus, na tupate tabia yetu, ayant le pensée de Jésus Christ, tupate kuwa na mawazo ya Yesu Kristo. Dieu, Mungu a besoin de vous. Anamhitaji Mungu. A besoin de vous. Anamhitaji. Il n'a pas besoin d'une idole. Anahitaji sanamu. C'est vous. Ni mweye. L'image vivante de Dieu. Picha aliye hai ya Mungu. Dites amen à cette parole. Sema amina kui neno. C'est vous. Ni mweye. L'image vivante de Dieu. Jo picha aliye hai ya Mungu. Ainsi mes frères et sœurs. Hivi banduku na badada. Atake l'image de Dieu vivant. Sawa picha ya Mungu aliye hai. Nous nous dépouillons. Tunapashi kujivua. Nous nous dépouillons. Tunapashi kujivua. Amen. Amina. Nous nous dépouillons. Nous dépouillons le vieil homme. Tunavula mtu wa zamani. Nous dépouillons le vieil homme. Tunavula mtu wa zamani. Et nous sommes en train de revêtir l'homme nouveau. Na tunaanza kuvaa mtu mpya. Créé selon l'image maintenant de Dieu. Mwenye kuumbwa kufatana na picha ya Mungu. Nouveau. Na ule mtu mpya. Tout important c'est costume. Mkuvala ile koti. Tout important c'est costume. Mwenye kuvala ile koti. Cet homme nouveau doit commencer à marcher. Ule mtu mpya ataanza kutembea. Cet homme nouveau. Ule mtu mpya. Il va commencer à parler. Ataanza kusema. Cet homme nouveau. Ule mtu mpya. Va commencer à travailler. Ataanza kutumika. Et les gens vont devoir regarder. Na bantu wanapaswa kuangalia. Na wanasema, huyu tu ni maumbile mpya huyu. Na nous c'est une nouvelle création. Huyu ni maumbile mpya. Na nous c'est une nouvelle création. Pour terminer. Je vais kumaliza. Question réponse. Ulizo na majibu. Dada. Matendo vyote vya kimwili. Toutes les œuvres charnelles. Si vous rentrez à la maison, ukirudia kumulango, prenez Galates 5. Uchugue wa Galatia sura 5. Lisez toutes les œuvres de la chair. Usome matendo yote ya mwili. Toutes ces œuvres de la chair. Ile matendo yote ya mwili, petite que soit-elle. Iko ataki loko je. C'est le diable dans l'homme. Ni shetani ndani ya mtu. C'est là que le diable se cache. Jomu le shetani eko na fuchama. Et toi, alakini weye, tu as reçu réellement le pouvoir. Ulipokea kweli kweli uwezo de le dépouiller. Ya kuba vula. Est-ce que vous croyez ça? Et si munaamini vile, tous ceux qui l'ont reçu. Bale wote bali mpokea. Il leur a donné le pouvoir. Ariba patia uwezo de devenir enfant de Dieu. Ya kuwa batoto ya Mungu. Vitendo vyote vya kimwili. Toutes les œuvres de la chair. Kuikombanisha. Il faut les combattre dans ta vie. Il faut les ôter de ta vie. Parfois, des fois, nous manquons d'être bénis. C'est à cause des œuvres de la chair. L'homme de Dieu dit ceci. Mutumishi wa Mungu anasema hivi. Question réponse. Ulizo na majibu. Du 3-8. Il y a 3-8. 1964. Il dit ceci en prenant Romains 7, 14, 18. Anasema hivi mkujugwa wa Rome 14, 18. Nous savons que la loi est spirituelle. Tunajua kwamba sheria ni ya kiro. Mais moi je suis charnel. Alakini mimi ni kuwa kimwili. Vendu au péché. Mwenye kuzishwa kuzambi. Ce que je veux. Kile minapenda. Je ne le veux pas. Mishi kifanye. Je fais ce que je fais. Ni kunafanya kile minachukia. Or, si je fais ce que je ne veux pas, diapo, kama nafanya kile mishipende, je reconnais par là que la loi est bonne. Mena tambua kupitia ile kwamba sheria iko mwema. Maintenant, sasa, ce n'est plus moi qui le fais. Ana tena mimi niko naifanya. C'est le péché qui habite en moi. Ni zambi ile nakaa ndani yangu. Je ne comprends pas ceci. Misielewe hii. C'est ça la question. Njo ulizo. Eh bien, Muzuri. Ils ont écrit le passage de l'écriture, c'est Paul qui parle aux Romains. Variandika hii andiko ni Paulo anasema na Waroma. Permettez-moi de le présenter un peu plus clairement. Muniruhusu nipate kuionyesha wazi-wazi. Pour que vous voyez ce qu'il en est. Je mpate kuona inasema nini. Il a dit. Alisema. En moi. Ndani yangu. Il y a deux personnes. Muku watu mbili. En toi. Ndani yako. Il y a deux personnes. Muku watu mbili. Vous le croyez? Munaamini vile. L'une qui veut que je fasse le bien. Mmoja anapenda nifanye vizuri. L'autre qui veut que je fasse le mal. Mwingine anapenda nifanye bibaya. Je saute. Naruga. Pour gagner le temps. Ja ukomboa wakati. Nous sommes charnels. Tuko wakimwili. Et cette partie-là. Na ile kipande ile. Doit périr. Inapashi kufe. Toute la partie charnelle. Kipande yote ya kimwili. Doit périr. Inapashi kufe. À l'intérieur, dani mule, nous sommes un homme esprit. Tuku mutu wakiro. Et l'homme qui est à l'intérieur, c'est là qui a la foi dans la parole de Dieu. Nafsi yenye kwa mule ndani, njo mule muku imani ya neno la Mungu. Alors nous soumettons notre corps extérieur à la parole. Tuku natishi mutu wetu wa inje kuneno. Nous soumettons notre corps extérieur. Tuku natishi mwili yetu ya inje. À la parole. Kuneno. Par la foi. Kupitia imani. En acceptant ce que Dieu a dit. Mukukubali kile Mungu alisema. Est-ce que vous comprenez? Et si munaelewa? Mikono yangu. Meme ya moi. Ninjui ya kumimbia Mungu. Pour chanter aina pour ya Dieu. Kucheza nayo. On peut pas se jouer avec meme. Kama inapenda kunisukuma mkucheza nayo. Si ça me pousse à se jouer. Mikono katala. Je refuse. Je vais soumettre meme. Katishi. A la volonté de Dieu. Mikono yangu kumapenzi ya Mungu. C'est ça travailler. Njoo kutumika kule. Macho yangu. Mes yeux à moi. Aile ya kuangalia n'importe quoi. C'est pas pour regarder n'importe qui tu gani. Amen. Amen. Hata biku na pita. Même si ça passe. Je fais un effort pour soumettre mes yeux à la volonté de Dieu. Tafanya nguvu yangu juu macho yangu itii kumapenzi ya Mungu. Il continue plus loin. Anaendelea kule mbali. Quelqu'un m'a raconté qu'une fois, il y en avait un qui s'était converti, qui avait reçu le Saint-Esprit, et il lui avait dit, comment ça va? Abarigani. Comment ça va? Abarigani. Il a dit, alisema, assez bien, mzuri kidogo, assez mal, na mbaya kidogo. Comment ça va? Abarigan. Comment ça va mon frère? Abarigan ndugu yangu. Un peu bien. Muzuri kidogo? Un peu mal. Na mubaya kidogo. Ça nous arrive de répondre comme. Bina tufikiaka tu kuna jibu vile. Et il a dit. Na alisema. Eh bien. Muzuri. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Unapenda kusema nini? Assez mal. Mubaya kiloko? Et assez bien. Na muzuri kiloko. Il a dit. Alisema. Depuis que moi recevoir le Saint-Esprit. Tangia na ilipokea Roho Mtakatifu. Donc en d'autres termes, depuis que je suis devenu enfant de Dieu. Muna mwingine akusema tangia na alikuwa mtoto wa Mungu. Il y a deux chiens en moi. Mkuvaimbwa mbili ndani yangu. L'un est noir. Mmoja ni mweusi. Et l'autre est un chien blanc. Na mwingine ni mbwa mweupe. Et tout le temps. Kila mara il se dispute. Beko na kumbana aba vaimbwa mbili. Tout le temps il se dispute. Kila mara beko na kumbana. Il grogne. Bana kokotana. Il se batte. Bana pikana. Et il a dit. Na alisema. Le chien blanc. Uyimba mweupe. Veut que je fasse le bien. Anapenda nifanye bizuri. Mais le chien noir. Alakini umba mweusi. Veut que je fasse le mal. Anapenda nifanye bibaya. Et il a dit. Na alisema. Eh bien chef. Muzuri chefu. Lequel de deux gagne le combat? Ni nani pabale wawili anawinaka mwingine? Il a dit. Alisema. Ça dépend ikunafuatana de celui que tu nourris le plus. Na namna ya ule unalisha kushindia mwingine. Ça dépend ikunafuatana de celui que tu nourris le. Na ule unalisha kushindia mwingine. Alors, basi ça i je trouve que c'est une bonne réponse. Mimi naona kwamba hii ni jibu mzuri. Ça dépend seulement du combat qui se mène dans le corps. Inafuatana tu na vita inafanyika mwili. À l'intérieur de vous. Ndani yako. Ça dépend de celui que vous nourrissez. Inafuatana na ule kunalisha zaidi. Ça dépend de la nature que vous nourrissez. Inafuatana na asili ile kunalisha. La nature charnelle. Asili ya kimwili. Ça fonctionne aux choses du monde. Inapendaka vitu ya dunia. Et la nature spirituelle. Asili ya kiroho. Ça fonctionne aux choses de Dieu. Nayo inapendaka vitu ya Mungu. C'est ça qui agit. Jo ile kuna tenda. C'est ça qui agit. Jo inye kuna tenda. Kama unarisha. Si tu nourris plus. Yako kabisa. Ton âme na plus. Ya Mungu, avec la parole de Dieu. Mungu vyote vitanda vinavyo konekana. Toutes les choses de Dieu seront manifestes. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Comment est-ce que nous allons travailler? Namna kani utatumika? Par l'esprit. Kupitia roho. À travers la parole de la vérité. Kupitia neno la ukweli. Travaillons maintenant. Tutumike sasa. Dépouillons cet homme, ce vieil homme. Tuvule umutu wa zamani. Et revêtons l'homme nouveau. Na tuvale mutu mupya. Avec tout le caractère de la parole de Dieu. Na matabia yote ya neno la Mungu. Et Dieu va vous agréer. Na Mungu atamikubali. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Jérémie la chair. Au pasteur. Minacha, mimbari, namwachia pastori.